la duchesse Sanseverina parvient à communiquer avec son neveu grâce à des signaux lumineux. Elle lui annonce qu'elle veut le faire libérer, ce qu'il refuse. Il lui semblait que ce n'était pas la peine de vivre pour retrouver ces mêmes bonheurs qui lui semblaient intéressants avant d'avoir connu l'amour. Il avoue cette décision à Clélia, qui lui envoie une lettre pour lui demander de s'évader s'il en a l'occasion. Il profite alors de cette question pour rencontrer la jeune femme pendant une de ses promenades sur le haut du donjon. Le soir, quand la nuit fut faite, elle parut, accompagnée de sa femme de chambre, dans la chapelle de marbre noir de la tour. Elle s'arrêta au milieu, à côté de la lampe de veille. La femme de chambre et Grille, le geôlier, retournèrent à 30 pas auprès de la porte. Clélia, toute tremblante, avait préparé un beau discours. Son but était de ne point faire d'aveu compromettant, mais la logique de la passion est pressante. Fabrice fut d'abord ébloui de la beauté de Clélia. Depuis près de 8 mois, il n'avait vu d'aussi près que des geôliers. « Serez-vous bien heureux, lui dit-elle, avec une sorte de colère et des larmes aux yeux, de m'avoir fait passer par-dessus tout ce que je me dois à moi-même ? Jusqu'au 3 août de l'année passée, je n'avais prouvé que des éloignements pour les hommes qui avaient cherché à me plaire. J'avais un mépris sans borne et probablement exagéré pour le caractère des courtisans. Tout ce qui était heureux à cette cour me déplaisait. Je trouvais au contraire des qualités singulières à un prisonnier qui, le 3 août, fut amené dans cette citadelle. J'éprouvais, d'abord sans m'en rendre compte, tous les tourments de la jalousie. Les grâces d'une femme charmante et de moi bien connue étaient des coups de poignard pour mon cœur, parce que je croyais, et je crois encore un peu, que ce prisonnier lui était attaché. Bientôt, les persécutions du marquis Crescenzi, qui avait demandé ma main, redoublèrent. Il est fort riche, et nous n'avons aucune fortune. Je les repoussais avec une grande liberté d'esprit, lorsque mon père prononça le mot fatal de couvent. Je compris que si je quittais la citadelle, je ne pourrais plus veiller sur la vie du prisonnier dont le sort m'intéressait. Le chef-d'œuvre de mes précautions avait été que jusqu'à ce moment, il ne se douta en aucune façon des affreux dangers qui menaçaient sa vie. Je m'étais bien promis de ne jamais trahir ni mon père ni mon secret. Mais cette femme, d'une activité admirable, d'un esprit supérieur, d'une volonté terrible, qui protège ce prisonnier, lui offrit, à ce que je suppose, des moyens d'évasion. Il les repoussa et voulut me persuader qu'il se refusait à quitter la citadelle pour ne pas s'éloigner de moi. Alors, je fis une grande faute. Je combattis pendant 5 jours. J'aurais dû à l'instant me réfugier au couvent et quitter la forteresse. Cette démarche m'offrit un moyen bien simple de rompre avec le marquis Crescenzi. Je n'eus point le courage de quitter la forteresse, et je suis une fille éperdue. Je me suis attachée à un homme léger. Je sais quelle a été sa conduite à Naples, et quelle raison aurais-je de croire qu'il aura changé de caractère. Enfermé dans une prison sévère, il a fait la cour à la seule femme qu'il put voir. Elle a été une distraction pour son ennui. Comme il ne pouvait lui parler qu'avec de certaines difficultés, cet amusement a pris la fausse apparence d'une passion. Ce prisonnier s'étant fait un nom dans le monde par son courage, il s'imagine prouver que son amour est mieux qu'un simple bout passager, en s'exposant à d'assez grands périls pour continuer à voir la personne qu'il croit aimer. Mais dès qu'il sera dans une grande ville, entouré de nouveau des séductions de la société, il sera de nouveau ce qu'il a toujours été, un homme du monde, adonné aux dissipations, à la galanterie, et sa pauvre compagne de prison finira ses jours dans un couvent, oublié de cet être léger et avec le mortel regret de lui avoir fait un aveu. Ce discours historique, dont nous ne donnons que les principaux traits, fut, comme on le pense bien, 20 fois interrompu par Fabrice. Il était éperdument amoureux. Aussi, il était parfaitement convaincu qu'il n'avait jamais aimé avant d'avoir vu Clélia et que la destinée de sa vie était de ne vivre que pour elle. Durant cette soirée, dans la chapelle de marbre, la vie de Fabrice, depuis cette soirée, dans la chapelle de marbre, la vie de Fabrice fut une suite de transports de joie. De grands obstacles, il est vrai, semblaient encore s'opposer à son bonheur. Mais enfin, il avait cette joie suprême et peut espérer d'être aimé par l'être divin qui occupait toutes ses pensées. La troisième journée après cette entrevue, les signaux de la lampe de la duchesse finirent de fort bonne heure, à peu près sur le minuit. À l'instant où ils se terminaient, Fabrice eut presque la tête, cassée par une grosse balle de plomb qui, lancée de la partie supérieure de l'abat-jour de sa fenêtre, vint briser ses vitres de papier et tomba dans la chambre. Cette fort grosse balle n'était point aussi pesante, à beaucoup près, que l'annonçait son volume. Fabrice réussit facilement à l'ouvrir et trouva une lettre de la duchesse, qui lui explique quand et comment il doit s'échapper de sa prison.